récite à l'inspire-temps, récite chaleur, récite sang pur. Parce que verser pour la cause, la violence est ma sœur, notre relation était incestueuse. C'est maintenant de là, je suis mon père sous ses traces majestueuses. Malgré ma situation et le froid glacial de l'armement, je suis aimant, survivant de longues nuits d'hiver. De noctambus en octambus, parano violent. Mémoire, réchauffe-moi les souvenirs, maman, mon cœur aime ça. Ça m'ouvre des cages dans mon esprit, en attendant la bonne occasion de mon esprit. Les négros ont l'âme déchirée comme l'hymen. Investi par une mission, détournée par l'ambition, je suis de la race humaine. Plus de magie, on perce plus de mystères, juste des intestins, des appendices. Sapir respire et pour le reste on improvise. Mais méfie-toi, mon bon sens peut jaillir comme un château en dessous du sable. Même entouré de mecs qui veulent acheter des terrains juste en dessous du diable. J'avoue, parfois mon cœur sèche. J'entends Jean-Luc Bani me crier. On veut tous des femmes fraîches, gérer des tiers sans stress. Même au New Rêve fraîche, ça c'est mon son fraîche. Même en cas de galère, on reste fraîche. Wesh, wesh, elle est on veut tous des femmes fraîches, gérer des tiers sans stress. Même au New Rêve fraîche, ça c'est mon son fraîche. Même en cas de galère, on reste fraîche. Wesh, wesh, nicotine. Oui, ma famille, j'ai faim de votre énergie. Venez nombreux, venez bien. Assurez-vous qu'il y a assez de plantain, assez de sauce. On n'a jamais assez de sauce. Servez-vous, ma femme, à cuisiner en souriant. Dieu est grand, votre présence n'a pas de prix. Couronnez vos plateries, comme quand on était en Afrique. Avec au moins 4 morceaux pour les fruits. Un bis, mon frère bis, d'enfantier qui bousille les chips. La même énergie depuis nos premières escroqueries. À la CB, au fichage chez les belles femmes. Au Rouen, Paname, jusqu'à nos premières filles. Elle, Drou, JPP, nigga. Bengue et Fanf, et t'es traité, il lève sèche, baisse de ses gars. On a perdu César, c'est triste. Mais nous reste encore cet escroc de Cédric. Check. Mort de rire, même si je donne l'impression que je n'aime pas les blagues sur mon album qui ne sort pas. Chacun dans la dèche, en mode coquin dès qu'il y a de la fraîche. Votre amour m'a franchi, passer à vous me rafraîchit, m'adoucit. Basket propre comme la mort, lunettes mouches, nouvelle veste. À l'arrière du taquèche, la montre et la gourmet font de mèche. Wesh, wesh, W, fraîche. On veut tous des femmes fraîches, gérer des tiers sans stress. Même au New Rêve fraîche, ça c'est mon son fraîche. Même en cas de galère, on reste fraîche. Wesh, wesh, G-A-Y. On veut tous des femmes fraîches, gérer des tiers sans stress. Même au New Rêve fraîche, ça c'est mon son fraîche. Même en cas de galère, on reste fraîche. Wesh, wesh, Joseph. Fraîche. Wesh, wesh, wesh, Saint-Joseph. Fraîche. Gueule fraîche. Fresh!